Jean Bosco, Douiman. Bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes mercredi 5 octobre 2016. Voici les grandes articulations de cette édition. Une incursion de Rwandais a eu lieu sur la colline Sabanelgwa que revendique l'État du Burundi à travers la voix du gouverneur de la province de Ngozi. Même une maison en construction d'un particulier a été détruite. De la provocation, nous dira Albert Douiman. Le 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant. Cette journée coïncide avec le redéploiement des enseignants. Une opération décriée par certains, notamment ceux de Rutana, qui disent que leurs conditions financières ne leur permettent pas de s'y conformer. Le président du syndicat Konapé, c'est du même avis, et ajoute que l'opération a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Et l'Union européenne dit n'avoir pas suspendu sa coopération au développement avec le Burundi, mais a arrêté son aide directe au gouvernement. La directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à l'UE précise que les aides en faveur de la population continuent. Et en actualité internationale, les députés ivoiriens entament ce mercredi l'examen du projet de loi sur la nouvelle constitution, une constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour et bonne réception. Incursion ce mardi d'une population rwandaise accompagnée de 40 soldats rwandais armés de fusils sur la colline Sabanelgwa de la commune Mwumba de la province Ngozi. Une maison d'une famille burundaise habitant cette colline en cours de construction a été détruite par ces militaires. Albert Ndouimana, gouverneur de la province Ngozi, indique qu'il s'agit d'une provocation car Sabanelgwa est une colline se trouvant sur le territoire burundais. Il ajoute que des mesures de sécurité sont en train d'être envisagées. Suivez le gouverneur d'Ngozi, Albert Ndouimana, joint au téléphone par Placide Niyomwongere. Hier, il y a des gens rwandais, accompagnés de militaires rwandais, qui se sont introduits au niveau de cette petite colline-là avec des armes et ont détruit une maison en cours de construction. Se trouve sur cette colline, il n'y en a pas beaucoup. Ce que nous avons pu remarquer, c'est que cette maison a été vaguement abîmée, sauvagement, et certaines autres ont été emportées par ces malfaiteurs. Est-ce qu'ils étaient au nombre de combien s'ils étaient militaires? Est-ce qu'ils étaient armés? À l'estimation, les Rwandais étaient nombreuses, mais au niveau des militaires, on peut estimer à un peu plus de 40. Si vous essayez d'interroger la population environnante ou bien vivant sur cette colline, ces Rwandais avaient quel objectif? Non, ils se sont introduits comme ça parce qu'une population qui vit dans notre pays, accompagnée par les pères de cet autre pays, il n'y avait pas de discussion. Quand elle a vu cette situation-là, elle ne pouvait pas s'approcher. Et quelle est l'interprétation que vous donnez à cette présence des étrangers sur le sol burundais? Non, il s'agit directement et simplement d'une provocation. Les Rwandais, ils n'ont cessé pendant cette année à bloquer les Burundis. Qu'est-ce que l'administration est en train de faire pour sécuriser cette population vivant sur cette colline de Sabanelgwa? Les mesures de sécurité sont en train d'être prises. Comme vous le savez, les mesures de sécurité ne sont pas toujours proclamées au niveau des médias. Albert Ndouimana, c'est le gouverneur de la province de Ngozi. L'Union européenne dit n'avoir pas suspendu la coopération au développement avec le Burundi. Des aides directes en faveur de la population continuent. Propos de Carla Montessi, directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à la Commission de l'Union européenne. Elle l'a dit ce mardi au terme d'une réunion conjointe entre les représentants du gouvernement et la délégation de l'Union européenne qui a eu lieu lundi à Bujumbura et c'était dans le cadre du suivi de la décision du 14 mars dernier prise en application de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Carla Montessi indique que cette organisation européenne reste attachée à la lutte contre la pauvreté au Burundi. Suivez-la. Nous avons effectivement arrêté l'aide directe au fonctionnement de l'État, au fonctionnement du gouvernement, mais nous avons redirigé notre aide en faveur directe de la population du Burundi parce que notre priorité est effectivement la lutte contre la pauvreté. Nous espérons qu'effectivement les engagements pris par les gouvernements puissent être mis en œuvre rapidement, de manière à que rapidement nous puissions, de manière progressive, reprendre pleinement la mise en œuvre de notre coopération au développement dans les pays. Malgré les décisions qui ont été prises par l'Union européenne, nous avons au cours de l'année pu financer des nouveaux programmes pour une valeur de 55 millions d'euros en faveur de la santé et de l'agriculture. Je souhaite insister sur le fait que la coopération avec le Burundi n'a pas été arrêté. C'est uniquement les financements directs au budget de l'État qui était arrêté. Tout ce qui concerne l'aide directe à la population du Burundi a continué. Nous avons 70 millions, si je prends uniquement après la décision de la crise, nous avons 70 millions d'euros, des contrats nouveaux qui ont été signés pour apporter des semences, pour apporter des outils agricoles, pour pouvoir couvrir les dépenses, les soins de santé pour les mères et les enfants, pour pouvoir apporter une aide aux cantines scolaires. C'est des financements en cours. Carla Amontesi, directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale à la Commission de l'Union européenne. Éducation à présent. Ce mercredi 5 octobre, le monde célèbre la Journée internationale de l'enseignant. Les enseignants au Burundi, comme certains autres citoyens, vivent dans des conditions financières qui ne sont pas les meilleures, selon le président du syndicat des enseignants, CONAPES. Cette journée coïncide avec le programme de redéploiement des enseignants. Emmanuel Machandari déplore que ce programme soit entaché de beaucoup d'irrégularités. Aubin Niyongour. La Journée internationale de l'enseignant coïncide au Burundi avec le projet de redéploiement des enseignants. Ce travail a été caractérisé par plusieurs irrégularités, selon le président du syndicat CONAPES. Il indique que certains responsables des écoles ont fourni de fausses informations sur les enseignants au cours de ce travail. Nous déplorons le fait que certains directeurs d'école ou certains directeurs communaux ont donné de fausses informations sur le personnel enseignant, ce qui a provoqué alors des remous chez les enseignants qui se sont vus redéployer alors qu'ils sont anciens à l'école. Or, les critères tels qu'avaient été fixés tenaient compte de l'ancienneté de l'enseignant à l'école. Les conséquences de ce travail sont nombreuses, aussi bien sur les enseignants que sur les élèves, précise Emmanuel Machandari. Il y aura d'abord des enseignants qui risquent de partir étant frustrés et il ne sera pas efficace sur le terrain. Deuxième conséquence, les enseignants qui doivent parcourir de longues distances, ils risquent d'arriver à l'école avec un grand retard et dans ce cas, ils ne pourront pas terminer le programme. Comme conséquence sur les enfants, c'est que leur apprentissage sera tronqué parce qu'ils n'auront pas eu le temps suffisant d'assimiler la matière et dans des conditions favorables. Cette journée de l'enseignant coïncide aussi avec le plan de correction des disparités salariales initié il y a quelques années par le gouvernement. Ce syndicaliste demande au gouvernement d'en tenir compte lors de la préparation de la prochaine loi budgétaire. Et c'est l'occasion même de l'interpeller encore une fois pour que le gouvernement puisse penser à la deuxième tranche de correction des disparités salariales en incluant les 20 milliards dans la loi budgétaire 2017. Aujourd'hui, c'est le moment de la préparation de ce budget. Il faut qu'il pense à cela. Cette journée internationale de l'enseignant est célébrée cette année sur le thème « Valorisons les enseignants en améliorant leur statut professionnel ». Merci Aubin Niyonguru. Et certains parmi les enseignants redéployés en province Rutana se lamentent que leur situation financière ne leur permet pas d'exécuter ce redéploiement. Antoine Manouma, représentant provincial du syndicat STEB à Rutana, trouve urgent que l'autorité compétente fasse des réaménagements dans leur redéploiement pour l'intérêt de l'enseignement. Jean-Pierre Misago. Certains cas illustratifs reviennent souvent. C'est entre autres le cas d'un enseignant de la commune Rutana, redéployé en commune Giharo à environ 90 km. Cet enseignant, comme celui redéployé à Mugono dans la commune Mingakayove à 60 km, à partir du chef-lieu de la province Rutana, peut être dans l'incapacité de pouvoir se payer un loyer dans leur maigre salaire, alors qu'ils étaient parvenus à se construire un premier logement. Par ailleurs, il devient pratiquement impossible de faire chaque jour tous ces trajets à partir du chef-lieu de la province Rutana, car leur salaire ne couvrirait même pas la moitié du mois, sans compter les retards qu'ils enregistreraient à l'école. Selon Antoine Manouma, représentant syndical du STEB en province Rutana, ces lamentations de ces enseignants sont fondées et il n'y a pas d'espérer un meilleur rendement dans ces conditions. Pour Manouma, le mieux serait que cette question soit minutieusement réanalysée pour l'intérêt et de l'apprenant et de l'enseignant. Antoine Emanouma dénonce ce qu'il appelle le favoritisme dans le traitement des recours où des enseignants redéployés ont été remplacés par d'autres, notamment au lycée communal Kendo. Jean-Pierre Misago de Purutana, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Malgré la demande persistante des enseignants de reconsidérer des lacunes constatées dans ce redéploiement, le président de la commission chargée de cette opération, Libouar Wigirimana, indique que le temps des recours a déjà terminé. Éducation toujours avec ses parents et élèves en province de Bobanza qui se lamentent des frais exigés par certaines directions scolaires et qui font même que certains indigents abandonnent l'école. Cela est déjà arrivé au village de Pedo Kagwema. Nous sommes en commune de Guianga. Le gouverneur de Bobanza et le directeur provincial de l'enseignement déplorent ces faits et mettent en garde les directeurs qui exigent des montants de contributions non convenus avec les parents. Il est 13h04 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. Dans la suite de ce journal, le retard dans l'analyse et l'adoption de la loi budgétaire prévue à la session d'octobre est devenu une habitude. C'est un constat fait par Faustin Dikoumana et les représentants de l'association Parsem. Il l'a dit au cours d'un point de presse ce mercredi. Faustin Dikoumana demande à la Chambre basse du Parlement d'insister pour que le projet de loi budgétaire soit le plus rapidement transmis. Le reportage est signé Didier Nyonzima. La session d'octobre de l'Assemblée nationale devrait étudier en priorité le projet de loi portant budget général de l'État pour l'année suivante. Le président du Parsem, Faustin Dikoumana, fait savoir que des retards à ce qui concerne les titres de ce projet de loi se font toujours remarquer. Ça sera normal alors que cette loi arrive toujours tardivement, sans que le Parlement ait le temps suffisant pour débattre en profondeur les enjeux contenus dans cette loi. Et malheureusement, c'est devenu comme une habitude qui doit changer parce que les budgets de l'État sont censés être comme un processus de mise en application des politiques publiques qui, en fin de compte, s'échelonne sur une grande période, 3, 2, 3, 4 ans ou 5 ans. Faustin Dikoumana indique qu'une étude tardive du projet de loi portant budget général de l'État pour l'année suivante peut avoir des conséquences, notamment renforcer la liberté du pouvoir exécutif dans l'orientation budgétaire. Il est tout à fait normal que le projet de loi des finances pour l'exercice 2017 devait être déposé au Parlement dès le début de la session d'octobre, ça c'est normal. Si ça ne se fait pas, on aura tendance à analyser à la va-vite, sans entrer en profondeur, sans poser des questions pertinentes à l'exécutif sur certaines anomalies budgétaires ou sur certaines orientations budgétaires par rapport au programme public. Si ça ne se fait pas, ça renforce une liberté du pouvoir exécutif dans l'orientation budgétaire. Le président du Parsem demande à l'Assemblée nationale d'exiger la ponctualité en matière des travaux préparatoires concernant le projet de loi portant budget général de l'État et rappelle que la démocratie se traduit aussi dans la transparence sur les dépenses publiques. Didier Nyonzima. Et dans la suite de ce journal, toujours une relance du marché d'aménagement du site de Ngingabusoro de la zone Kanyosha va être faite pour tracer les routes dans cette localité. L'annonce a été faite par Innocent Livizi, c'est le directeur général de la société immobilière publique SIP. Il fait savoir qu'ils ont eu un problème financier pour continuer les travaux, mais promet que des travaux préliminaires vont être faits. Suivez-le. Le problème a été au niveau des passations de marché. Au début de l'année, on a lancé l'avis d'appel d'offres pour l'exécution des travaux d'aménagement du site Ngingabusoro. Et en espérant que les acquéreurs de parcelles à qui on a attribué les parcelles européens, mais arrivé à l'attribution du marché, on a constaté qu'on avait un montant insuffisant pour exécuter ces travaux. On a annulé le marché. Pour le moment, on s'est convenu avec le comité des représentants des propriétaires des parcelles dans cette partie de relancer le marché tout en exécutant les travaux préliminaires d'ouverture des voies et de bornage des parcelles afin de permettre à ceux qui disposent des parcelles à ces endroits de construire, suivant les routes qui seront tracées. Pour ceux à qui on a détruit leur maison, que va être leur sort? Il n'y a pas de maisons qui ont été détruites parce qu'on n'a pas encore commencé les travaux d'aménagement de ce site. Plutôt, le comité des représentants des propriétaires des parcelles à cet endroit, ils ont interdit à quiconque de continuer la construction parce qu'ils ne savent pas là où vont passer les voies. Et vous saurez que cette déclaration a été faite après les lamentations de la population d'Onghenga-Busoro qui a fait savoir que depuis 2008, rien n'a été fait dans cette localité. Il y a des véhicules pick-up tout neufs de la police qui circulent depuis un certain temps dans la capitale Bujumbura sans numéro d'immatriculation. Le porte-parole de la police explique que la police a fait recours à ces véhicules parce qu'il y a ceux qui sont tombés en panne. Pierre Nourikié ajoute que les formalités d'usage pour obtenir les plaques d'immatriculation ont été remplies et que le travail qui reste revient au service de l'impôt. Le porte-parole de la police reconnaît tout de même qu'aucun véhicule ne devrait circuler sans avoir rempli les conditions requises. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. En actualité internationale aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence passent à l'offensive. Et en Côte d'Ivoire, les députés débutent ce mercredi l'examen du projet de loi sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Ouattara. Et en République démocratique du Congo, Joseph Kabila a évoqué publiquement les élections à venir dans le pays sans pour autant trancher la question cruciale du report des élections. Évrard Avzariman. En République démocratique du Congo, c'est la première fois que Joseph Kabila s'exprime publiquement depuis les violences meurtrières du 19 septembre à Kinshasa. Comme on le lit sur LFI, Joseph Kabila évoque notamment les élections à venir dans le pays, sans pour autant trancher la question cruciale du rapport des élections. Je cite, « Les élections pourront se tenir cette année ou un autre jour. » Fin de citation. C'est ce qu'a déclaré à la presse en Swahili à marge d'un voyage en Tanzanie, le président sortant Joseph Kabila, avant d'ajouter que tout dépendra des travaux du dialogue qui se poursuivent à Kinshasa. En Côte d'Ivoire, le projet de nouvelle constitution est dans les mains des députés. Les députés ivoiriens débutent ce mercredi l'examen du projet de loi sur la nouvelle constitution voulue par le président Alassane Dramane Ouattara. Si aucune source à la présidence n'a voulu confirmer son authenticité, il correspond au texte adopté le 28 septembre en Conseil des ministres dont Jeune Afrique a obtenu copie confirme qu'il s'agit de la copie conforme du texte transmis au Parlement. Ce projet de loi sera examiné ce mercredi 5 octobre par les députés ivoiriens qui pourraient l'amender. Aux États-Unis, les candidats à la vice-présidence passent à l'offensive. Le démocrate Tim Kaine et le républicain Mike Pence ont participé ce mardi soir à l'unique débat qui les opposera dans cette campagne présidentielle. Le débat opposé le gouverneur républicain de l'Indiana Mike Pence, 57 ans, et le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine, 58 ans. Comme on le lit dans le journal Jeune Afrique, ces deux politiciens sont expérimentés, mais peu connus. Merci, Évrard. Ainsi se referme ce journal. J'en rappelle les grandes articulations. Une incursion de Rwandais a eu lieu sur la colline Savanerwa qui revendique l'état du Burundi à travers la voix du gouverneur de la province de Ngozi. Même une maison en construction d'un particulier a été détruite. C'est assez de la provocation, comme l'a dit Albert Nduimana. Le 5 octobre, c'est la journée internationale de l'enseignant, une journée qui coïncide avec le redéploiement des enseignants. Cette opération est décriée par certains, notamment ceux de Rutana, qui disent que leurs conditions financières ne leur permettent pas de s'y conformer. Le président du syndicat qu'on a passé du même avis ajoute que l'opération a été entachée de beaucoup d'irrégularités. Et l'Union européenne dit n'avoir pas suspendu sa coopération au développement avec le Burundi, mais a arrêté son aide directe au fonctionnement du gouvernement. La directrice en charge de la coopération au développement de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, l'Union européenne précise que les aides en faveur de la population continuent. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine Hakizimana pour la mise en onde. Un bon après-midi.